Vous êtes toujours à l'écoute de Bulles de rêve sur Radio Libertaire 89.4, l'émission 100% cinéma d'animation. Sébastien, tu nous rappelles ce qu'on vient d'entendre ? C'est Giovanna Marini, voilà, un morceau qui s'appelle Passera. D'accord. Nous allons passer maintenant à Arthur de Pince, notre dernier invité, qui va parler un petit peu de son film, qui va, j'espère, contredire peut-être Sébastien dans ce qu'il a dit tout à l'heure. Donc, Arthur, un petit peu la même chose que Sébastien, mais avec un premier film de fin d'études, Géraldine, qui fait absolument tous les festivals. Tu ne dois pas être moins quand même des 50 prix de Marie-Paco, on va parler. Enfin, je suis content quand même, c'est quand même cool. film donc qui... raconte l'histoire d'un homme devient une femme, qui se réveille dans la chose d'une fille et qui va essayer de vivre avec. Voilà. Un film très, très drôle, très rythmé. Mm-hmm. Premier film. Oui, alors c'était donc mon film des Arts Déco. Alors bon, c'est vrai que c'est un film que, c'est comme c'est en tant que premier film. Enfin, c'est vrai que j'ai beaucoup d'affection pour ce film, mais il n'empêche qu'à chaque fois que je le revois, évidemment, je repère 40 000 défauts, que ce soit au niveau de l'image, au niveau du scénario, enfin des petites maladresses, quoi. Mais c'est évident, c'est normal, c'est voilà. Mais en tout cas, ce qui était vachement utile, c'est que ça m'a servi à c'est ça qui est bien aux Arts Déco, de sortir comme ça avec un film sous le bras, c'est que ça permet de rencontrer des gens et puis des gens qui font appel à nous plus tard en tant que pas forcément technicien ou réalisateur, mais surtout auteur et c'est vrai que c'est un super tremplin pour faire ensuite un deuxième film, même si ça peut prendre plusieurs années à mettre en place, quoi. Mais justement, Géraldine est le formidable succès qu'on sait, pourtant jamais du temps avant de faire un second film. Ouais. Et en fait, tu danses plutôt dans l'illustration de suite après Géraldine? Non, pas du tout. Bah alors justement, c'est-à-dire que quand on sort des Arts Déco, c'est vrai qu'on n'a pas une formation aussi poussée, évidemment, techniquement, que par exemple les Gobelins. C'est pour ça qu'il y en a, par exemple, comme de ma promo, comme Yann Avenatti ou d'autres, qui ont choisi de faire 2 ans de Gobelins après, pour compléter leur bagage. Et en fait, c'est vrai que tout de suite en sortant, j'ai travaillé un petit peu dans une boîte de jeux vidéo pendant un an. Bon, c'était sympa, mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire. J'ai voulu retourner dans l'anime en tant qu'intermittent du spectacle, donc à travailler sur des séries en tant que designer, animateur, et en fait j'ai réalisé que c'était pas évident, parce que justement cette espèce d'ambiguïté au niveau du statut entre auteur et technicien, ce qui faisait que du coup, quand je relis les contrats que j'avais à l'époque, c'était je peux pas décrire ça, mais c'était n'importe quoi. Donc en fait c'est assez dur de faire son trou et puis c'est comme disait Jérémy, c'est vrai que le court métrage, on ne peut pas en vivre, donc mieux vaut avoir un boulot un peu régulier qui peut être, pour mon cas c'est l'illustration, mais ça peut être autre chose, et puis quand on a l'opportunité, quand on a une idée, et puis quand on rencontre des gens, faire un court métrage. Mais il n'y a pas vraiment de chacun son rythme, il y en a qui en font tous les 5 ans, d'autres qui en font tous les ans, comme par exemple Gaël Denis qui était dans ma classe, qui cartonne. Tu parlais des mythes tout à l'heure, on en a un joli, c'est-à-dire qu'elle a eu carrément un British Award avec son deuxième film qui s'appelle Fish Never Sleep, ouais, qu'elle a fait en Angleterre, et comme son troisième d'ailleurs, et elle a eu donc, parce que là-bas ils ont un prix, c'est comme les Césars, mais sauf qu'ils ont un pour les courts-métrages d'animation. Et donc elle a eu celui-là, donc elle est montée sur scène, j'ai pas vu, mais devant Scorsese, devant Hugh Grant, enfin devant toutes les stars, j'aimerais bien voir la vidéo, mais en tout cas voilà, donc c'est ce genre d'anecdote qui fait que qui fait un peu rêver et qui se dit eux, chez les Gobelins ils ont Dreamworks, nous on peut espérer ce genre de destin de stars. Enfin, c'est pas que pour ça qu'on fait des films, évidemment, c'est pour le plaisir avant tout, mais c'est quand même sympa. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur Gaël Denis, qui donc son troisième film en compétition, non, c'est son troisième qui est en compétition aussi à Annecy cette année. Passe, on vous en reparlera bien sûr, qui passe sur Arte dans un court-circuit au moment d'Annecy. Voilà. Donc, Géraldine, quand même, l'illustration vient avant la Révolution ou c'est après un petit peu avant, en fait. C'est parce qu'entre temps, je fais aussi un deuxième film qui s'appelle cartonne pas vraiment. Enfin, a du mal. Enfin, disons, n'est pas tellement sélectionné, voire même pas du tout dans les festivals. C'est vrai que maintenant, je comprends un petit peu pourquoi. C'est vrai que, moi, j'aime beaucoup ce film, mais c'est vrai qu'il a c'est un humour un peu particulier, en plus c'est un film qui a pris vachement de temps, donc qui n'est pas du tout spontané finalement, et c'est vrai que un film comme celui de Sébastien, c'est vrai que c'est mieux quand on le fait dans un laps de temps très court et vraiment avec plaisir. L'histoire de L'Eau de Rose, juste pour... Alors L'Eau de Rose, c'est un film qui c'est l'histoire d'une rupture et là en fait tout le film se passe dans une grande roue de fête foraine, donc c'est un couple qui est dans une nacelle et puis donc la fille donc voilà ils sont tous les deux dans la nacelle puis tout d'un coup le garçon lui annonce que bah que c'est fini, qu'il veut la larguer. Désolé pour le vocabulaire. Et ensuite, c'est un plan séquence. C'est-à-dire que c'est la caméra qui zoome, qui dézoome, et en fait, il y a une espèce de course-poursuite au sein de la roue. Parce qu'en fait, la roue, comme elle tourne, le garçon essaie de s'échapper, mais il se retrouve souvent en haut, du coup, à cause de la rotation. Et alors, ils vont de nacelle en nacelle. Et puis, évidemment, comme dans les nacelles, il y a d'autres gens, bon, les gens s'en mêlent, etc. C'était assez ambitieux. J'avais voulu faire un peu un film que ce soit un petit peu théâtral, vu que c'était vraiment. Tout se passe sur la roue, donc les gens se répondent comme ça, un petit peu comme dans une pièce de théâtre, mais en fait c'était assez. Les dialogues ne suffisent pas beaucoup, et c'est vrai que c'est, parfois il y en a trop, parfois il n'y en a pas assez de dialogues, et c'est vrai que. Donc on l'a remonté, mais je pense que je vais peut-être refaire encore un remontage pour vraiment garder que les séquences qui valent le coup, et puis ensuite voir ce que ça donne. Quoi. Parce que ce qui est surprenant en voyant le film, c'est qu'en fait c'est ton style que tu utilises ensuite. C'est plutôt le style, tu dis qu'il est pas, il marche pas tellement en festival. Ouais. Pourtant, c'est le style que tu utilises par la suite dans la plupart des illustrations. C'est ça. Mais cela dit, c'est vrai que j'aimerais quand même. Là, j'ai un nouveau projet en fait, qui est vraiment plus instant à l'état de dossier. Là, c'est à nouveau dans ce style-là, quoi. Mais on va dire que les crabes, par exemple, qui sont en noir et blanc et dans un style un petit peu épuré, c'est vraiment parce que je l'ai fait chez moi, donc. Donc c'est vrai que j'aurais jamais eu le temps ni les moyens de faire un truc dans un style un peu illustratif avec des personnages avec plein de couleurs et etc. quoi. Donc, non, on va parler maintenant de ce phénomène, de ce film phénomène qui est La Révolution des Crabes. Si quand même, c'est un film phénomène. Tu l'as fait. Juste, tu te rappelles quand tu as eu l'idée, quand tu as commencé à le faire? L'idée, je m'en souviens pas du tout. L'historique du truc, c'est que en fait, c'était censé être un appel d'offres pour de Canal+, qui lance tous les 2 ans ou tous les 2 ans des thèmes comme ça, où ils sélectionnent des courts-métrages. Quand je l'avais fait, le thème, c'était voilà comment tout a commencé. Donc, alors, ils prennent des films, des dessins animés, faut que ça fasse à peu près 10 minutes. Et donc j'avais répondu à ça donc par l'intermédiaire de la boîte de prod avec qui je travaille, qui s'appelle Métronomique. Et alors en fait, à l'époque, il fallait que ça dure 10 minutes. Donc j'avais trouvé le principe avec les crabes qui ne peuvent pas tourner. Enfin, je sais pas si je raconte maintenant l'histoire. Oui. On va juste raconter l'histoire pour situer. C'est une espèce de fou reportage animalier sur un crabe qui parle à la première personne de l'espèce à laquelle il appartient, qui s'appelle les Pachygrapsus marmoratus, et qui en fait, qui sont des crabes qui ne peuvent pas, qui marchent sur le côté, mais qui ne peuvent pas tourner. Donc, ils sont tous condamnés toute leur vie à suivre une même ligne droite, et chacun donc a sa ligne droite. Du coup, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas vraiment à se croiser. Et puis, en plus, c'est des crabes un peu idiots, donc qui n'arrivent pas non plus à, donc qui finissent par un peu se conformer à cette espèce de destin et jusqu'à trouver même une philosophie en disant finalement c'est bien d'aller tout droit, Oui, jusqu'au moment très drôle où un crabe pour revenir donc à Canal+, en fait j'avais trouvé donc le principe, mais la fin j'étais pas un peu parti dans les trucs alambiqués, donc ce qui fait que le film n'avait pas été pris, mais dans le dossier j'avais quand même fait les 2 premières minutes du film en flash. Donc chez moi, et là il y a une personne dans le jury qui avait dit qui m'avait dit oui c'est quand même dommage de pas le terminer, et puis 3 mois après j'ai enfin trouvé la fin, et c'est là j'ai fait les 3 minutes restantes. Je me suis retrouvé avec un truc comme ça en vidéo que j'ai mis en ligne sur internet, et en fait tout est parti de là, c'est à dire que j'avais créé un site juste où on voyait le film comme ça, il y avait qu'à cliquer sur le lien, et donc ce qui fait que les gens pouvaient se l'envoyer assez facilement, et puis c'est parti de là. Ensuite ça atterrit donc chez Canal, qui ont finalement acheté le film, donc la boucle est bouclée. Sauf que j'ai envie de leur dire c'est dommage qu'il l'ait pas fait avant, mais voilà. En tout cas c'était génial. Et puis ensuite donc Jérémy de Métronomique, mon producteur, a décidé de le kinescoper, de le mettre sur pellicule, donc ce qui fait que maintenant on est passé d'une vidéo à la qualité un peu moyenne à un film, à un espèce de grain de pellicule qui est beaucoup plus sympa. Mais il n'empêche qu'on a quand même gardé les voix qui étaient faites chez moi avec un micro complètement pourri, que j'ai juste accéléré comme ça pour que. Voilà. Et donc il y a toujours ce côté un petit peu artisanal, fait maison. Car c'est toi qui fais la voix. Voilà. Comme Sébastien fait la voix dans. Ah, je savais pas. Dans le journal ? Ah oui, dans le journal. Ah oui, dans le journal. Dans le journal, oui, tout à fait. Ouais. Non, il y a une... dans les câlins, dans les cuisines, c'est mon cousin. Voilà. C'est toujours des familles. Ouais. Oui, c'est pour ça que je parlais de film phénomène. C'est que je me rappelle une anecdote très rapide avec une personne qui me rencontre, qui n'est pas du tout dans l'animation. Mmh. Elle fait les beaux-arts et qui me dit oh, j'ai vu un film d'animation très drôle sur le net. C'est, je travaille un petit peu dans l'animation, donc elle me dit tu devrais le voir. Alors je lui fais mais c'est quoi ? Et elle me fait c'est la révolution des crabes. Et je l'avais vu, ah, oui. Parce qu'il était sélectionné en fait à Annecy. À ce moment-là, il était déjà sélectionné à Annecy. Ouais. Et c'était drôle. Il y a eu quand même une traînée de poudre parmi les gens hors animation. Et en ça, Internet, d'un seul coup, bouleverse un petit peu tout ce qu'on avait avant. Uniquement festival, on parle de la difficulté de voir des films d'animation en fait en salle. Et d'un seul coup, un film peut se créer comme ça, son public, grâce à Internet. Ouais, non, c'est vachement bien. Puis en plus, j'ai découvert qu'il existait plein de sites comme bon, The Web Anime, évidemment, on le dira jamais assez, mais par exemple aussi Katsuka ou Food Anime, qui en fait, il y a des communautés de gens qui sont Food Anime, enfin, il n'y a pas d'autre mot, enfin, même plus que nous, c'est ça qui est assez incroyable, qui sont capables de, un peu comme Alexis, qui sont complètement mordus de courts-métrages animation et qui en parlent, et du coup, qui propagent comme ça. Donc en fait, c'est un super moyen de faire circuler un film. Puis en fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de risque de copie, puisque de toute façon, c'est un format QuickTime, généralement avec une résolution assez faible, due à la compression. Donc, enfin, on peut rien en faire tel quel. Enfin, il faut quand même, si on veut le mettre sur, faire passer la télé ou sur pellicule, bon bah dans ce cas-là donc c'est vrai que finalement il y a pas de risque, et c'est vrai que c'est super pratique, quoi. Ça permet un peu de rentrer dans la cour des grands. Ouais, et ça peut permettre de quatre coins du monde en fait de voir un film. La révolution, bon, n'est pas sous-titré en anglais, mais a dû être vu. Maintenant, ça l'est sur le site de Métronomie. Mais même, ce qui est amusant, c'est que c'est en français. Et alors, le site sur lequel il est, permettait au début d'avoir une statistique des gens qui le voyaient. Mais parfois, il y avait des gens au Japon, il y avait des gens. Même, j'ai découvert des pays que je connaissais pas. Il y avait des gens pareil en Hongrie, au Chili, comme ça. Bon, c'était même pas 1% des gens qui regardaient, mais quand même. On se dit mais c'est génial, quoi. Il y a quelqu'un au Chili qui est en train de mater mon film. Enfin, c'est en plus c'est un film qui n'est jamais sorti de mon ordinateur, enfin comme c'est fait sur Flash. Donc c'est assez magique, quoi. Ça fait un peu tout d'un coup tac, le truc qui part comme ça, qui se retrouve sur un écran. J'ai un frère qui habite au Mexique, bah voilà, du coup il a pu le propager. Et c'est vrai que Internet pour ça c'est vraiment super, quoi. Et Flash, c'est juste parce que l'outil était facile pratique, on va dire, à utiliser. Pratique surtout, ouais. Ouais. C'est vrai que d'ailleurs c'est de plus en plus utilisé. Pendant très longtemps, c'était un outil vraiment pour le web. Enfin, c'était. Faut dire qu'en plus, ça a un peu souffert du côté un peu cheap de la. Mais ça, c'est parce qu'à la fois les gens savaient pas trop l'utiliser. Mais c'est vrai que les couleurs, quand on ouvre le logiciel, les couleurs sont, choisies dans la palette. Sont vraiment pas belles. Et c'est vrai que c'est les couleurs que les gens ont tendance à utiliser. Donc c'est vrai que pour plein de gens, quand ils vont sur des sites web, ils voient un film fait sur Flash, tout de suite, c'est un côté vraiment limite agressif, pas propre, etc. Et il n'empêche que c'est un logiciel qui maintenant est utilisé dans plein de productions de séries, comme par exemple Atomic Betty, chez, je sais plus si c'est 2 Minutes ou Caribara, je sais plus quel studio c'est. Ouais. Bon, bref, c'est l'un des deux. Et en fait, c'est un logiciel vraiment qui commence à être utilisé vraiment dans les courts-métrages d'auteurs, aussi bien que dans les séries, et qui est vraiment très très pratique, enfin, parce que ça permet d'économiser des étapes, par exemple de faire d'abord le dessin, ensuite le scanner, ensuite le colorier. Enfin, Flash, ça fait tout d'un coup, et puis ça permet en plus du coup de vérifier plus rapidement si on est content de sa séquence ou pas, et puis de vraiment travailler chez soi, et ça c'est génial, quoi. Et à l'époque, il y a des producteurs même qui travaillaient dans l'animation avec un studio comme Bozzetto par exemple, à Milano, et qui faisaient toujours tout seul aussi quelques films à côté comme ça, technique traditionnel, et lui utilise Flash pour faire rire la galerie, des petits films de 2 minutes, et c'est extraordinaire. Et quand on pense aux Shadok qui ont utilisé une petite superficie, une petite machine avec un petit câble, les successeurs des Shadok ayant de l'esprit pourraient faire non pas les Shadok mais autre chose dans cette veine, n'est-ce pas, minimaliste, qui est difficile en fait à faire, et puis en peu de temps. C'est ça qui est vraiment intéressant. Parce qu'en fait il y a beaucoup de il y a beaucoup de contraintes aussi, parce que c'est pas non plus un logiciel qui permet non plus de plein de choses, comme par exemple la 3D. C'est vrai que c'est assez limité, enfin on va dire c'est même pour dessiner, c'est assez difficile de dessiner sur Flash, mais du coup de toutes ces contraintes, du coup naissent un peu des idées comme ça, du coup évite un peu de s'attarder sur la technique pour rester un peu toujours dans l'idée, et c'est Donc voilà. La force quand même d'un film comme la Révolution, à part le fait qu'il soit drôle, ça, tous les gens qui l'ont vu, et tous les gens qui l'ont vu à Annecy notamment, malheureusement pour le pauvre cinéaste allemand qui a vu son film de 20 minutes, ah oui, juste ouais, après le tien, qui est un film très difficile, très expérimental, et qui, vu tout son film, les gens criaient « Arthur, on t'aime, Arthur revient », parce que c'était un film très difficile, le film d'après, donc c'est vrai que c'était un petit peu, et c'est vrai que le film est drôle. Moi, ce que je trouve en le revoyant plus souvent, c'est qu'aussi, graphiquement, il est très intéressant. Tu as essayé de faire en noir et blanc, et il y a une foule de détails, même au niveau du... enfin, je sais pas, tout n'est pas noir. La plupart des choses qu'on voyait à cette époque-là en flash, moi, que je voyais, étaient d'un côté tout était noir, et de l'autre côté tout était blanc, et jouait uniquement là-dessus. Là, il y a beaucoup de contraste, même à l'intérieur même, dans les roches, dans les choses comme ça, tu travailles, il y a beaucoup plus de détails, non? À la base, je voulais faire vraiment que noir ou blanc, enfin, c'est-à-dire que pas de nuance de gris. Bon, ça, c'était une contrainte qui permettait aussi d'aller vite, mais qui était aussi un choix un peu artistique, quoi, parce que c'est vrai que... Parce que après, je me suis dit, je vais jamais m'en sortir, parce que déjà qu'il y a du sable, déjà que c'est des fonds marins, en plus, c'était quand il y avait Nemo, donc je me suis dit, bon, évidemment, je vais pas faire concurrence à Nemo, mais même, je crois que j'ai pas le choix, il faut que je fasse un truc minimaliste, parce que sinon ça va pas passer. Donc je voulais faire noir et blanc, et ce qui est amusant, c'est que donc j'ai aussi mélangé un peu j'ai pris des petits éléments un peu en photo, à un moment on voit une machine à laver ou truc comme ça, donc ou même dans le décor, et puis bon, mais par contre ce qui est amusant, c'est que le passage sur pellicule a donné un grain et aussi une espèce de mini teinte sépia et parfois aussi vraiment embelli le truc et c'est marrant parce que la version vidéo, on devine que c'est un peu que c'est du flash, mais là par contre on pourrait presque croire que c'est fait au crayon, et c'est génial, quoi. Ça, c'est vraiment la bonne surprise une des bonnes surprises du projet, c'était une bonne idée de le faire, quoi. Et donc la Révolution des crabes remporte. On va continuer dans les prix. Combien de prix jusqu'à présent? Alors là pareil, ça va faire une vingtaine, je crois, aussi, avec ou 19. Parce qu'il y en a eu récemment, en plus, il y en a eu encore la semaine dernière, c'est ça, comme Sébastien aussi. D'accord. Aussi, D'accord. Même festival. Donc après, ça fait pas complètement vivre, c'est plutôt l'illustration. Voilà. Un troisième, tu nous as parlé d'un troisième cours, peut-être en préparation, c'est ça? Quatrième, pardon. Pauvre de rose. Je suis désolé pour le de rose. Non, mais c'est je recommencerai grave, plus. Effectivement, c'est un court-métrage. Donc, alors là, ce serait des producteurs allemands. C'est une combine de Jérémy qui a rencontré une fille qui sort de la FEMIS, qui fait de la production et qui apparemment a un plan pour trouver une bourse en Allemagne. Alors bon, ça c'est du travail de producteur. Bon, enfin en tout cas, la contrainte c'était que l'histoire se passe en Allemagne. Donc on a discuté par rapport à des idées que j'avais déjà avant, essayer de raccorder ça avec ce thème-là. Et on a abouti à un film sur le SM. Je ne peux pas me demander pourquoi. En tout cas, enfin, c'est pas sur le SM. Pour vous dire, c'est le SM, c'est une composante du film, mais c'est dans la mesure, c'est un peu au stade vraiment de dossier, et dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui vont changer, c'est vrai que pour l'instant je peux pas trop en parler, mais en tout cas ça va être un film plutôt humoristique avec une espèce de petit message à la fin, donc voilà. Bon, l'idée c'est, est-ce que quand on fait la Révolution des crabes qui marche bien, est-ce qu'il n'y a pas des producteurs comme en prise de vue réelle qui viennent en disant je veux le même en prise de vue réelle, En prise de vue réelle, quand un film marche bien, on a tendance à aller voir le réalisateur ou l'acteur en disant je veux la même chose, je veux copier-coller. Ouais. Est-ce qu'on t'a pas demandé la révolution des, je ne sais pas, faire tous les animaux avec des poussins, des choses comme ça, non? Il y a déjà Pierre Coffin qui a fait les poussins, et puis je pense que. Pour faire un court métrage ou pour faire pour faire un court, une série, un film, d'un seul coup, quand un auteur est dans une case, on n'a pas envie de l'en sortir, on se dit si on pouvait capitaliser sur ça. C'est marrant parce que c'est à Auch, il y avait justement un des réalisateurs qui a gagné un prix, qui a fait le film avec l'éléphant là. Et alors c'est justement, il y avait toute une discussion après son film, et on disait qu'en fait, du coup, lui, il commençait à être. Parce qu'après, les films tournent ensuite dans les boîtes de pub, dans les bandes démos, etc. Et en fait, lui commençait à être catalogué comme animateur d'éléphants réaliste. Du coup, il avait beaucoup de problèmes. À la fois, il était content parce que ça lui apportait du boulot, mais il avait des problèmes par rapport à ça, parce que c'est vrai que il avait quand même envie de faire d'autres choses. Et c'est vrai que, en tout cas, pour revenir à ta question, c'est vrai que y a ça, et puis il faut aussi un peu se servir d'un film comme ça pour avoir d'autres projets ou un petit peu, voilà quoi.